C'est l'histoire d'une marionnette qui échappe à son créateur, Pinocchio se libérant de Geppetto. Mais les pantins ont-ils le droit d'agir ainsi et n'encourent-ils pas la vengeance de leur manipulateur? C'est ainsi qu'on pourrait résumer, très grossièrement, les dernières années de la vie du président congolais Laurent Désiré Kabila, l'homme qui a déboulonné Mobutu et qui a lui-même été assassiné 4 ans plus tard, en 2001. Une marionnette, oui, si j'en crois Monsieur X, qui m'en a longuement parlé la semaine passée, je résume. Les Rwandais, vraisemblablement avec l'accord des États-Unis qui désirent en finir avec Mobutu, dictateur usé et vieillissant qui a ruiné son pays, veulent intervenir militairement dans l'est du Congo. D'abord parce que de l'autre côté de leurs frontières se trouvent des camps de réfugiés Hutus, se cachent des responsables du terrible génocide Tutsi de 1994. Et ensuite, parce qu'ils ont des visées territoriales sur le Congo et particulièrement sur la riche province de Kivu. Mais s'ils agissent ainsi, ils seront à juste titre présentés comme des agresseurs et à ce titre, ils seront condamnés par la communauté internationale. Alors, à Kigali, capitale du Rwanda, le général Kagame a l'idée d'aller chercher un vieux guérillero congolais, Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui, à la tête d'une force disparate, entrera au Congo sous le prétexte de combattre la dictature de Mobutu. Ainsi, on ne parlera plus d'agression rwandaise, mais de guerre civile congolaise. L'affaire réussit presque trop bien, car Kabila, l'homme des Rwandais, échappe à ses commanditaires et se retourne bientôt contre eux. Nationaliste sourcilleux, Kabila n'accepte pas de voir son pays dépecé. Il entreprend de chasser les Rwandais et leurs alliés ougandais du Congo. C'est le début d'une guerre qui n'est toujours pas réellement terminée. D'autres États, l'Angola, le Zimbabwe, sont appelés à la rescousse. L'immense Congo devient le champ clos d'un conflit interafricain qui fait des centaines de milliers de victimes et divise le pays en un certain nombre de protectorats où les occupants exploitent sans vergogne les formidables richesses du sous-sol. En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. À qui a profité le crime? Qui étaient les commanditaires? Peu avant en France, deux Congolais, proches de l'ancien président Mobutu, ont été abattus. Pourquoi? Préparait-il un complot contre Kabila? Ou se livrait-il à un vaste trafic criminel? Autant de questions que j'ai posées à Monsieur X. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Si la vie de Laurent Désiré Kabila est demeurée mystérieuse, tant elle comporte de zones d'ombre, sa mort ne l'est pas moins. Et plus de 2 ans après, malgré un procès fleuve où 30 condamnations à mort ont été prononcées, on n'en sait toujours pas plus. Il y a quand même un certain nombre de faits qui ont été établis. Détrompez-vous, c'est le flou le plus complet. Oui. On ne sait même pas quand exactement Kabila est mort. Souvenez-vous, ce n'est pas si vieux. Ouais. Les autorités congolaises ont attendu 2 jours avant d'annoncer que le président avait été assassiné. Et très étrangement, sa dépouille a été transportée par avion au Zimbabwe avant d'être rapatriée pour les obsèques. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il n'était pas mort et qu'on espère encore le sauver, non? Pourquoi pas? Mais à ma connaissance, personne n'a encore donné d'explication crédible à cet étrange dernier voyage de Kabila. Et ce n'est qu'un mystère parmi beaucoup d'autres. Au fond, dans cette affaire, la seule chose dont on soit sûr, c'est que le président congolais a été tué de plusieurs coups de feu. Oui. Il y a bien une version officielle. Naturellement. Alors, dites-moi, quelle est-elle? Le 16 janvier 2001, Kabila travaille dans son bureau avec son ministre de l'économie, un certain Émile Motta. C'est le tout début de l'après-midi. Kabila n'a pas mangé parce que son état-major particulier aurait reçu un coup de téléphone avertissant que le déjeuner du président aurait été empoisonné. Un coup de téléphone anonyme? Ça, j'en sais rien. Enfin, cette histoire bizarre n'a jamais été éclaircie. Donc, Kabila travaille avec Motta quand un jeune homme en uniforme entre dans son bureau. Sans être annoncé? Apparemment, oui. Kabila ne s'étonne pas outre mesure. Ce jeune homme qui s'appelle Kasereka Rachidi est l'un de ses gardes du corps. Il fait partie de ces enfants soldats, comme on les nomme, qui ont été recrutés au début de la marche triomphale de Kabila vers Kinshasa en 1996. Donc, à vous entendre, là, Kabila n'a aucune raison de se méfier de lui. Non, non. Rachidi s'approche de lui, exactement comme s'il avait un message urgent et confidentiel à lui transmettre. Il se penche au-dessus du président. Il a une arme à la main et tire pratiquement à bout portant, puis il s'enfuit. Toujours selon la version officielle, Rachidi est maîtrisé, jeté à terre par d'autres gardes du corps alertés par les coups de feu. Survient alors le chef d'état-major de Kabila, le colonel Eddie Capente. Il sort une arme, sans doute un pistolet mitrailleur, et crible de balle l'assassin. Et l'assassin qui était déjà maîtrisé. Oui, et la première idée qui vient à l'esprit, c'est que Capone a voulu empêcher Rachidi de parler. Enfin, c'est en tout cas ce que prétendra plus tard l'accusation. Parce que ce Capone de là sera accusé d'être l'un des acteurs du complot. Bien sûr, et même son cerveau. Toutefois, selon une autre version, le colonel Capone aurait tiré sur le jeune homme alors qu'il fuyait vers les appartements privés du président. Il aurait eu peur que l'assassin ne s'en prenne à la famille de Kabila. Mais écoutez la suite. Selon plusieurs témoignages, d'autres gardes du corps se trouvant dans le palais présidentiel auraient eux aussi ouvert le feu. Et certains d'entre eux auraient ensuite pris la fuite. Des complices? Peut-être. Mais vous avez remarqué que j'ai employé le conditionnel. J'ai noté. Hein. Hein, car je n'ai aucune certitude étonnée. Je ne suis même pas sûr que Rachidi ait été l'assassin de Kabila. Attendez, là, il y avait un témoin, là, le ministre de l'économie. Émile Motta. Je suis d'accord. Mais Motta confiera plus tard qu'on lui a demandé de raconter qu'il se trouvait dans le bureau présidentiel, alors qu'en fait, il attendait dans l'antichambre le moment d'être reçu. Ah, on attendait de lui qu'il accrédite la version officielle de l'assassinat. C'est possible. C'est même très possible, mais encore une fois, je ne suis certain de rien. Songez qu'on n'a même pas retrouvé l'arme du crime. Pourtant, si ce Rachidi a été vraiment l'assassin, on aurait retrouvé son arme sur lui ou à côté de lui. Bah, c'est évident. Même en tenant compte de la confusion qui a suivi, il était impossible de perdre cette arme. Alors, quelqu'un l'a peut-être ramassée. Ça aussi, c'est une possibilité, mais pourquoi, je vous le demande. Non, tout ça est plus qu'étrange et donne l'impression d'une action concertée dans laquelle Rachidi n'a peut-être été qu'un bouc émissaire. D'ailleurs, très curieusement, personne n'a été autorisé à voir son corps. Au fait, est-ce que, personnellement, ce Rachidi avait des raisons d'en vouloir à Kabila? Bon, on a prétendu qu'il aurait voulu venger l'élimination physique d'un de ses anciens chefs. Élimination ordonnée par Kabila. Mais ça s'était passé 4 ans avant. Et le jeune garde du corps, s'il avait vraiment voulu venger son chef, aurait eu bien des occasions d'assassiner plus tôt le président congolais qu'il voyait presque quotidiennement. Non, ça ne tient pas debout. Alors, vous avez parlé d'action concertée. Hein dans cette affaire qu'on fusille, au moins, une certitude, si vraiment il y a eu complot, ce colonel Capende en était probablement. Enfin, son attitude semble prouver. Oui, vous avez raison. D'autant que le chef d'état-major particulier du président Kabila va jouer un rôle éminent dans les heures et les jours qui vont suivre. Parce qu'il avait des ambitions politiques personnelles? Vous voulez dire, est-ce qu'il avait l'intention de prendre le pouvoir? Ben, pourquoi pas, hein. Je ne le pense pas, mais enfin, je peux me tromper. Son rôle éminent, alors? Le soir même de l'attentat, c'est lui qui se rend à la télévision, appelle les Congolais au calme et ordonne à l'armée de demeurer confinée dans ses casernes. Ensuite, dans la nuit qui suit, il prend l'initiative de réunir les principaux dirigeants du régime. Pour organiser la succession? Oui, et il révèle à ses barons du régime que Kabila lui a confié qu'il désirait que son fils Joseph lui succède. Quand lui a-t-il confié cela, là? Juste avant de mourir? Non, bien avant. Vous savez que quand on est chef d'État en Afrique, il faut toujours se préparer au pire. Oui, arrive-t-il, Campen, arrive-t-il à convaincre ses dirigeants? Oui, le jeune Joseph Kabila, malgré son inexpérience politique, est rappelé du Katanga où il exerce un commandement militaire et il est prestement invité à s'asseoir dans le fauteuil de son père. On a noté, enfin ça je m'en souviens très très bien, hein, que Joseph Kabila n'a guère montré d'affliction. Mais je vois ce que vous voulez dire, oui. Vous pensez que le jeune Kabila aurait pu être le complice de Capende, l'instigateur du complot qui a abouti à l'assassinat de son père? Bah écoutez, on ne peut pas s'empêcher d'y penser après tout. C'est d'abord à lui que profite le crime. Alors expliquez-moi cette contradiction. C'est le colonel Capende qui le propulse au pouvoir. Et pourtant, ce même colonel Capende va bientôt être arrêté sur ordre de Kabila Junior. Gratitude? Non. Non, si Capende et le jeune Kabila avaient été de mèche, ce dernier ne l'aurait pas fait arrêter. Ou alors il l'aurait liquidé afin qu'il ne parle pas. Une arrestation, c'était trop dangereux. Surtout qu'après, il y a eu un procès où Capone pouvait le dénoncer. Alors, bon, c'est clair, hein, vous innocentez Kabila Junior, mais le colonel Capone, alors? Lui, c'est moins clair, vous l'avez compris. Je viens, mais pourquoi aurait-il participé ou même organisé l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Capone était l'homme des Angolais. C'était de notoriété publique à Kinshasa. Et ça s'explique très bien car il était originaire du sud Katanga. Oui, donc près de la frontière avec l'Angola. Hein. Oui, oui. Mais les Angolais étaient alors les amis, les alliés de Kabila. Et même ses protecteurs, vous voulez dire. Une prérogative qu'il partageait avec les Zimbabwéens. Et ça n'allait pas sans tiraillement, mais nous en reparlerons. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit la semaine passée, mais Angolais et Zimbabwéens tiraient un grand parti de ce protectorat. Parti financier? Bien entendu. Kabila, pour les remercier, leur avait concédé l'exploitation de mines de diamants, par exemple. Oui, alors c'était un protectorat très intéressé. Évidemment. Alors l'Angola, À Luanda, la capitale angolaise, ont commencé à se lasser. Parce que la paix n'était toujours pas en vue et que Kabila ne faisait rien pour en terminer. Mais vous avez dit que ce protectorat militaire rapportait gros. Surtout au Zimbabwe. Les Angolais, eux, étaient plus mal servis et ils avaient très envie de rapatrier leurs troupes pour en finir eux-mêmes avec leur rébellion interne. Celle de l'UNITA de Jonas Savimbi. Or justement, il venait d'apprendre que Kabila venait de prendre des contacts secrets avec Savimbi. Une telle traîtrise pouvait largement justifier l'assassinat du chef d'État congolais, non ? Au Congo, à l'annonce de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, on montre tout de suite du doigt les États-Unis. Les États-Unis qui auraient été les commanditaires ou les inspirateurs du crime. Ainsi, voici ce qu'on peut lire dans un quotidien de Kinshasa, L'Avenir. Le 17 janvier, le peuple congolais a célébré le 40e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, dans une étonnante répétition de l'histoire. Car le 16 janvier 2001, le chef de l'État congolais, Laurent-Désiré Kabila, a été criblé de balles dans sa résidence du Palais de Marbre de Kinshasa. Le 16 janvier n'était pas seulement la veille de l'anniversaire de Lumumba, mais aussi presque la veille du changement d'administration aux États-Unis d'Amérique. On ne peut pas ne pas trouver des liens entre l'attentat contre Kabila et l'approche de la date d'investiture de George W. Bush. De même, l'assassinat de Lumumba avait des liens avec le changement de pouvoir aux États-Unis, Eisenhower s'apprêtant à passer le pouvoir à Kennedy. Si Lumumba a été sacrifié sur l'autel de la guerre, on se demande en revanche pourquoi on en veut à Kabila. De toutes les façons, depuis son arrivée au pouvoir, Kabila a réveillé dans certains milieux occidentaux qui jubilaient d'avoir liquidé le communisme des réflexes anachroniques. Pourquoi continue-t-on à avoir peur des nationalistes lorsqu'on sait qu'aux États-Unis, en France, en Belgique ou partout ailleurs, on n'accepterait pas comme chef de l'État une personne qui ne donnerait pas la preuve de l'amour profond pour son pays? On a l'impression que le nationalisme n'est condamnable que dans les pays du tiers-monde, alors qu'il est une qualité, voire une vertu cardinale, dans les pays qui dominent le monde. C'est pourquoi on peut penser que ce n'est pas tant le nationalisme que l'indépendance réelle des pays du tiers-monde qui inquiète. Alors pour vous, ce sont les Angolais qui sont derrière l'assassinat de Kabila. Enfin, les Angolais et leur homme lige, le colonel Kapenta. Je n'ai pas dit ça. Je cherche simplement à vous donner les raisons qui auraient pu pousser tel ou tel à éliminer le chef d'État congolais. Vous allez le voir, ils étaient nombreux, ceux qui avaient intérêt à se débarrasser de lui. À commencer par les familles de tous ceux qui l'avaient fait froidement exécuter. Mais revenons aux Angolais. Ils avaient une autre bonne raison d'en vouloir à Kabila. Quoi ? En principe, ils s'étaient associés aux Zimbabwéens pour lui venir en aide. Mais de plus en plus, Kabila donnait la préférence à ces derniers. C'est par exemple à eux qu'il avait confié sa protection personnelle. Parce que ça lui a servi. Oui, c'est juste. Il faudra aussi examiner ce point particulier. En outre, Kabila envisageait de nommer un Zimbabwéen au poste de chef d'état-major de l'armée. À la place de Kapen, de... Non, Kapen, lui, était son chef d'état-major particulier. Ah oui, à la présidence. C'est ça. C'est ça. C'était donc un Zimbabwéen que Kabila entendait confier l'armée congolaise, ce qu'il a d'ailleurs fait avant sa mort. Il était normal que l'Angola en conçoive du dépit, surtout quand on pense que c'était les Angolais qui avaient fait le travail le plus difficile lorsque Kabila les avait appelés au secours pour contrer l'armée rwandaise. D'accord, mais est-ce que ça justifiait quand même son élimination ? Allez savoir. Bref, encore une fois, vous n'avez aucune certitude. Je le reconnais volontiers. J'ajoute que les Angolais s'étaient rapprochés des Américains avec lesquels ils avaient signé d'importants contrats pétroliers et qu'ils avaient pu céder aux sirènes américaines. Des sirènes qui les auraient encouragés à supprimer Kabila ? À Washington aussi, on en avait assez de ce nationaliste intransigeant qui ne voulait pas admettre que la solution politique et militaire au Congo passait par la partition du pays. Ah ben, ça commence à faire pas mal de suspects. Hein. Bon, alors, qui d'autre encore là ? Le Zimbabwe. Pourtant, ce pays a été au mieux avec Kabila. Hein. C'est vrai. Et Kabila s'était montré généreux en confiant de nombreuses exploitations minières au gouvernement de Robert Mugabe, le président du Zimbabwe. Mais on peut toujours espérer en avoir plus, n'est-ce pas ? Or, plusieurs faits troublants plaident en faveur de l'implication du Zimbabwe. À commencer, je reviens sur ce que vous avez dit, à commencer par le fait que la protection de Kabila, organisée par des militaires zimbabwéens, s'est montrée particulièrement défaillante. C'est juste, il faut noter que ces gardes du corps ne sont jamais inquiétés. Autre élément troublant, pourquoi la dépouille mortelle de Kabila a-t-elle pris le chemin de Harare, la capitale du Zimbabwe ? Si, comme on l'a dit à un moment, il s'agissait de sauver le président congolais, qui n'était peut-être pas encore mort, on l'aurait plutôt transporté en Angola, à Luanda, où il avait l'habitude de se faire soigner. C'est effectivement bizarre. Autre chose encore. Tous les hommes, politiciens ou militaires, qui vont être arrêtés et accusés de complicité dans l'assassinat de Kabila, seront gardés par des soldats zimbabwéens. Et ces mêmes Zimbabwéens, associés à des Angolais, seront membres à part entière de la commission d'enquête chargée d'élucider l'affaire. Une affaire qui est pourtant d'abord celle des Congolais. Oui, mais ça en dit long sur la vassalisation du pays par ses voisins et alliés. Alors, pourquoi ne pas envisager que le Zimbabwe et l'Angola aient agi de conserve pour éliminer Kabila? C'est une hypothèse qui tient la route, en effet. D'autant que tous les observateurs présents ce jour-là à Kinshasa ont noté que très rapidement après l'assassinat, ce sont les troupes angolaises et zimbabwéennes qui se sont déployées dans la capitale congolaise pour empêcher tout désordre. Donc, et pas les troupes congolaises? Non. Et certains de ces soldats angolais, plusieurs centaines, étaient arrivés sur l'aéroport de Kinshasa en pleine nuit la veille même de la mort de Kabila. Ouais, de plus en plus troublant. Et Kabila savait? Kabila, il faut bien l'avouer, ne dirigeait plus grand-chose. Non seulement la situation militaire était critique, car la rébellion soutenue par le Rwanda avait encore progressé, mais le président n'ignorait pas qu'il était personnellement menacé. Ça faisait déjà un moment qu'on murmurait à Kinshasa que tôt ou tard, Kabila serait renversé ou liquidé. Et lui-même, alors, n'avait-il pas pris de précautions particulières? Apparemment non, il croyait en son étoile. Mais je n'en ai pas encore fini avec les hypothèses et les mystères. Ouais. Très peu de jours après la mort de Kabila, on a retrouvé les cadavres de 11 Libanais qui vivaient à Kinshasa. Une affaire très curieuse. En fait, d'après ce qu'on a pu savoir, ces Libanais auraient été raflés par l'armée le lendemain de l'assassinat du président. Puis ils auraient été exécutés. Ces exécutions auraient donc, enfin d'après vous, un rapport direct avec la disparition de Kabila? Certainement. Ça mérite une explication. Hein. Ces hommes, installés au Congo, où existait depuis fort longtemps une importante communauté libanaise, avaient réalisé d'excellentes affaires sous le précédent régime. Que faisaient-ils exactement? Très liés aux généraux de Mobutu, ils détenaient une sorte de monopole du commerce des diamants. Mais Kabila avait mis fin à cette pratique, et il avait confié cette activité à un homme d'affaires israélien. Je vois, ces Libanais auraient pu, eux aussi, être tentés d'en terminer avec Kabila afin de récupérer leur fructueuse activité. Oui, d'autant qu'ils étaient restés en relation avec les Mobutistes qui avaient quitté le Congo après la victoire de Kabila. Oui, mais comment, alors, expliquez-vous leur arrestation et leur exécution sommaire après l'assassinat de Kabila? Ces Libanais, j'en suis persuadé, ont joué un rôle dans le complot. Et c'est pourquoi on les a éliminés, parce qu'ils savaient. Ouais, mais quel rôle, alors? Ils étaient riches. Riches, ils auraient pu financer les conspirateurs? Par exemple. Alors, ça signifie que les militaires qui les ont enlevés et exécutés étaient aussi partie prenante du complot, là? Oui, en fait, c'est l'explication de tous ces mystères. Il n'existait pas un complot, mais plusieurs complots. Des complots qui visaient tous à se débarrasser de Kabila? Oui. Pourquoi pas, mais est-ce que tous ces conspirateurs avaient des liens entre eux? Des liens? Oh, pas forcément. Leur objectif était le même, mais pas leur mobile. Toutefois, il était certain que beaucoup de gens savaient que quelque chose se préparait. Ah ouais, alors c'était à qui tirerait le premier, quoi. Ou plutôt à qui raflerait la mise en laissant faire et surtout en faisant porter la responsabilité de l'assassinat sur un autre. Et croyez-moi, la vérité peut être encore plus triviale que vous ne l'imaginez. France Inter, rendez-vous avec X. Revenons sur l'affaire de ces Libanais enlevés puis exécutés. La journaliste belge Colette Brekman, auteure d'un livre « Les nouveaux prédateurs » paru chez Fayard, explique. La frustration des commerçants libanais se nourrissait d'une autre raison encore. Un certain nombre d'entre eux utilisaient les bénéfices réalisés au Congo, comme ailleurs en Afrique centrale, moins pour leur compte personnel que pour soutenir le Hezbollah au Sud-Liban. Bien plus tard, on devait même soupçonner certains d'entre eux d'avoir été, fût-ce indirectement, en contact avec les réseaux d'Al-Qaïda. Au moment du procès qui s'ouvrit en avril 2002, les enquêteurs avaient établi que certains réseaux libanais avaient été impliqués dans le transit de l'argent du complot et qu'ils étaient entrés en contact avec Rachidi et ses compagnons, plus désargentés les uns que les autres. D'autres Libanais furent accusés d'avoir fourni l'arme du crime, mais à ce moment, ils n'étaient plus là pour se défendre. Dès le lendemain de l'assassinat de Kabila, le général Yav, qui, au fait de la conspiration, avait veillé à faire désarmer les militaires congolais, avait aussi fait exécuter 11 Libanais, dont plusieurs étaient originaires d'un même village du Sud-Liban, et qui faisaient vraisemblablement partie du commando envoyé pour réaliser l'opération. Ces hommes, qui promettaient de révéler ce qu'ils savaient à propos de la mort du chef de l'État en échange de la vie sauve, furent ainsi abattus avant d'avoir pu parler. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une parenthèse qui n'est nullement innocente. C'est le 16 janvier 2001 que le président Kabila est assassiné. 20 jours plus tôt, en France, la police fait une curieuse découverte près de Lyon. Dans une voiture carbonisée, elle trouve 2 cadavres masculins. L'autopsie révèle que les 2 hommes ne sont pas morts dans l'incendie du véhicule, mais qu'ils ont été chacun abattus d'une balle dans la tête. Ah, je me souviens très bien de ce fait divers. La police a établi assez vite qu'il s'agissait de 2 Congolais. Oui, et grâce à des tests génétiques, ils ont tous les 2 été identifiés. L'un s'appelait Aimé Atembina. Qui était-ce, hein? C'était un capitaine, membre de la division spéciale présidentielle créée par Mobutu, une sorte de police secrète chargée des sales besognes. Son père était ambassadeur et sa mère était trésorière du parti de Mobutu. Je ne parle pas de sa sœur qui est mariée à l'un des généraux les plus féroces de l'ancienne dictature. Ouais, c'était donc un mobutiste convaincu. Oui, et Atembina, qui avait obtenu un statut de réfugié politique en Belgique, ne se cachait pas de travailler à la chute de Kabila. Bon. Et le deuxième? C'était, si je puis m'exprimer ainsi, un personnage encore plus intéressant. Philemon Moukouba, chef traditionnel d'une tribu du Kivu, avait exercé de très hautes fonctions au Congo. Le Kivu, qui était alors sous le contrôle du Rwanda, il faut le rappeler. Hein. Et qui était l'un des principaux fiefs de la rébellion anti-Kabila. Mais Moukouba, lui, s'est rangé du côté de Kabila. Il a obtenu d'être nommé à la tête d'une importante société minière, la SOMICO. Un acronyme qui doit vouloir dire tout simplement Société Minière du Congo. Ouais. Et dans un pays qui regorge de ressources minières, ce n'est pas un poste négligeable. Oui, d'autant que grâce à ses fonctions, Moukouba va avoir accès à un considérable secret. Dans les derniers mois du règne de Mobutu, des barres d'uranium, mais aussi des déchets nucléaires, ont été dérobés dans le centre de recherche nucléaire de Kinshasa. Et Moukouba découvre l'endroit où cet uranium a été caché. Un uranium qui fait l'objet de beaucoup de convoitises et qui vaut donc très cher. Des convoitises de la part d'État? Oui, ou d'organisations terroristes. Ah, oui. Et Moukouba, qui n'est pas un homme très scrupuleux, imagine de vendre cet uranium pour son compte. Attendez, quand même, l'uranium n'est tout de même pas une marchandise ordinaire. Vous avez raison, il faut prendre des précautions. Et généralement, la marchandise, comme vous dites, est entreposée dans de gros faitous en plomb qu'on appelle des casques. Et ce sont donc ces casques que Moukouba va essayer de commercialiser. Clandestinement, bien sûr. En effet. Je pense, oui. Vous dites qu'il va essayer de commercialiser. Il va essayer, mais va-t-il réussir? Il semble, oui. Il aurait au moins vendu l'un de ses casques. À qui, alors? Écoutez, je crois qu'il faut être très prudent dans ce genre d'informations, mais il se pourrait que Moukouba ait vendu un casque à un personnage proche de Ben Laden. Ah, mais vous n'êtes pas sûr? Non. Non, surtout en ce moment, on a tendance à voir la main de Ben Laden un peu partout. Ce qui est plus certain, en revanche, c'est que ce trafic de matières nucléaires inquiète pas mal de monde. Qui? Les services de renseignement occidentaux en particulier. Les Américains, bien sûr, mais aussi nos propres services. Donc dans ce cas-là, il s'agit de la DGS. Oui. Et à partir de cet instant, les choses vont singulièrement se compliquer pour Moukouba. Parce qu'on va essayer de le mettre hors circuit? Non, pas tout de suite. Non, il faut d'abord en apprendre le plus possible sur cet inquiétant trafic. Par conséquent, nos services se débrouillent pour infiltrer quelqu'un dans l'entourage de Moukouba. Un agent, alors? Disons plutôt un honorable correspondant. Un homme d'affaires insoupçonnable qui travaille à l'occasion pour la maison. Je connais son nom, mais enfin, je préfère éviter de le prononcer parce que cet homme a eu quelques ennuis avec la justice de notre pays. À cause de cette affaire? Oui, après la découverte des cadavres des 2 Congolais. Donc, inutile de raviver la plaie car cet homme a recouvré la liberté. En fait, voilà, vous m'avez parlé de ces 2 Congolais, là, séparément, mais apparemment, ils ne se trouvaient pas dans le même camp. Hein. L'un était un ancien mobutiste et l'autre était proche de Kabila, non? Alors, pourquoi les a-t-on retrouvés ensemble? J'y viens. Notre espion chez Moukouba travaille de façon efficace. Il gagne la confiance du PDG de la SOMICO et permet même à la DGSE de récupérer un de ses casques d'uranium. Mais son travail ne se limite pas là. À Kinshasa, il réussit à se faire des relations au plus haut niveau. Kabila? Kabila lui-même, oui. Ce type est donc maintenant une source de renseignements très appréciable pour nos services. Et c'est ainsi qu'il découvre le poteau rose. Le président congolais n'ignore rien du trafic des casques d'uranium. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je vous le laisse imaginer. Si le chef de l'État est au courant et laisse faire, c'est qu'il y trouve son intérêt. Un intérêt personnel? Je n'en sais rien. Le Congo est alors un pays en guerre et partiellement occupé. Et les armes, ça coûte très cher. Il était tentant de vendre des matières fissiles pour s'en procurer. Mais, attendez, Et est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que vous avez des certitudes? Disons que je raisonne, c'est tout. Et Mokuba, alors? Mokuba a tendance à jouer un jeu un peu trop personnel, si vous voyez ce que je veux dire. Et à Kinshasa, ça ne plaît pas. Le président Kabila se méfie de plus en plus de lui. Le résultat, c'est que le PDG de la Somico, qui prudemment séjourne de moins en moins dans son pays, va progressivement se rapprocher des milieux mobutistes qui, en Belgique ou en France, travaillent à comploter contre le président congolais. Oui. Alors c'est ainsi qu'il va rencontrer ce capitaine Atem Bina, c'est oui, ça? Oui, d'autant que la vente des casques d'uranium peut aussi servir à financer l'opposition au régime de Kabila. Bref, si je comprends bien, ce trafic d'uranium est convoité par tout le monde. Exactement, et notre honorable correspondant se retrouve dans une position assez inconfortable. Il a capté la confiance de Kabila, mais grâce à Mokuba qui est devenu un ami, il se trouve aussi au cœur du complot qui vise à abattre ce même Kabila. Car on l'embauche, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire qu'on lui demande une aide? Oui, c'est un homme qui a beaucoup d'entrejambes. Pourquoi ne jouerait-il pas un rôle dans le financement du complot? Est-ce qu'il peut rester longtemps assis entre deux chaises? Assurément, non. Parce qu'un jour ou l'autre, il risque d'être la première victime de cette situation. Alors, que va-t-il choisir? Ou plutôt, que lui ordonne-t-on de choisir? Kabila. Pourquoi? Parce que le président congolais a exprimé clairement son intention de nouer de meilleures relations avec notre pays. Et Paris a répondu très positivement. Nous favorisions par exemple les expéditions d'armes qui transitaient par le Tchad, où il y avait encore un fort contingent français. Mais ce choix-là, en faveur du président Kabila, signifiait-il aussi la dénonciation des agissements des conspirateurs mobutistes? Évidemment, et même un peu plus. Kabila a ainsi appris qu'il était physiquement menacé. Et il a pris les devants en faisant assassiner Atem Bina et Mokuba. Par ses services secrets? Oui. Mais le rendez-vous a peut-être été organisé par notre correspondant qui, bien sûr, n'a pas pris personnellement part à cet assassinat. Donc, Kabila apprend qu'on va tenter de le tuer et il ne se méfie pas plus que ça? Non, il s'estime bien protégé et puis on ne lui a pas tout dit. Bah là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Notre correspondant savait qu'au cours d'un voyage en Suisse, les mobutistes avaient rencontré le colonel Capen, l'homme qui, justement, de par ses fonctions, était chargé de la sécurité du président. Cet homme qui joua un rôle crucial dans l'assassinat du président congolais. Alors, pourquoi n'en a-t-il pas informé Kabila? Parce qu'il se serait trahi. Notre correspondant a en effet assisté à cette rencontre. Révéler ce secret qu'il était l'un des seuls à connaître, c'était risquer d'y laisser la vie. J'ai relu tous les articles consacrés à cette étrange affaire. Il semble bien en effet qu'un correspondant de la DGSE y ait été mêlé. Un homme qui a ensuite été accusé d'avoir joué un rôle dans la mort des deux Congolais retrouvé mort près de Lyon. Il a depuis été libéré. Autre chose, les fuites d'uranium congolais ne provenaient pas seulement du centre de recherche et d'expérimentation nucléaire de Kinshasa, un centre construit par les Américains dans les années 60 et qui comportait deux réacteurs dont l'un est, semble-t-il, toujours en activité. L'uranium était aussi détourné dans une mine prétendument fermée et dont l'accès était strictement interdit. Mais écrit Stephen Smith dans Le Monde du 5 mai 2001, le délitement du régime mobutiste à partir de 1990 a eu raison de toutes les précautions prises. Et Smith poursuit, il faut le croire en juger par les listes de matières radioactives proposées à la vente à Kinshasa, mais aussi de l'autre côté du fleuve Congo à Brazzaville. Il ne s'agit pas seulement d'uranium à l'état naturel, apparemment des déchets nucléaires stockés dans le passé au Zaïre, souvent d'origine américaine, inondent également un marché clandestin qui, au grand dam des services secrets occidentaux, attire des acheteurs en provenance de tous les États voyous intéressés par la prolifération des matières enrichies ou propres à être retraités. Un expatrié français d'origine corse aurait été repéré comme intermédiaire. Une source crédible affirme même que feu le président Laurent-Désiré Kabila aurait expédié à bord de son avion personnel des fûts de déchets radioactifs à Djerba en Tunisie, où des agents du colonel Kadhafi seraient venus les récupérer. En échange, le chef de l'État libyen aurait contribué au financement de l'effort de guerre du régime de Kinshasa. Une confirmation, donc, que le trafic nucléaire se trouvait bien au cœur de cette affaire. « À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site internet franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et obtenir des renseignements discographiques ou bibliographiques.